sentez-vous pas en vous comme un nouveau rendez-vous? Une nouvelle voie, un horizon de joie. N'entendez-vous pas l'appel du bonheur qui ruisselle? C'est un frisson ardent, un frôlement. Pas en vous comme un nouveau rendez-vous. Voir, se voir, recevoir, se revoir et avoir le parfum de l'amour, le septième ciel paradis. Ne sentez-vous pas en vous comme une nouvelle envie? N'entendez-vous pas en vous vos folies qui s'émerveillent d'une branche qui vous compte fleurette? N'entendez-vous pas en vous un ego, c'est égal, ex aequo, c'est alors un match bien amical. Sortons des palais et cessons d'être moches. Ne sentez-vous pas en vous une pluie de plaisir? Un bon vent d'amour se digère toujours et se faisant. Transpirons du bonheur.